Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. Bonjour, ici Léa et Clara. Nous sommes la sixième génération de chez Salaise-en-Besson. C'est nous qui sommes responsables des communications. Une tâche nous a été confiée cette année. Nous avons l'honneur de vous souhaiter les vœux du temps des fêtes. Au nom de Salaise-en-Besson, nous vous souhaitons bonheur, amour et prospérité pour la nouvelle année. Ayons la force de croire en nos rêves afin de les réaliser. À tous nos parents, clients et amis, nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne année. Parce que si c'est pas Besson, c'est pas aussi bon! Merci Martial Bouchard, président du club de golf Lac-Saint-Jean. Il me fait plaisir, au nom de mes collègues du conseil d'administration et de tous les membres du personnel, de vous souhaiter une magnifique période des fêtes et une année 2018 remplie de santé et de succès. Profitez de ce début d'année pour ajouter une nouvelle saine habitude de vie à celle que vous avez déjà. On va parler de la NCAA. On est le 1er janvier. Qui dit le 1er janvier dit les bowls. C'est les bowls de la NCAA. Vous allez voir, il y en a partout. Il y en a eu pas mal dans le temps des fêtes. C'est rendu une indigestion. Ça a commencé autour du 15 décembre. Quasiment un rip de 1 par jour. Mais là, ça va avoir son apogée aujourd'hui avec les gros bowls. Et on va parler avec Wally Boivin, que vous pouvez entendre au FM 93 à Québec. Qui partage le titre de collaborateur avec un autre de mes collaborateurs, Stéphane Cadorette. Salut, Wally! Salut, Danny! Comment tu vas? Ça va bien. Wally, la NCAA, c'est la folie furieuse des bowls. Est-ce qu'il y en a trop? Moi, je pense qu'il y en a trop. On dilue à quelque part. Hey, tu regardes ça, là, c'est le Inside Bowl, le Alabama Bowl. Là, j'en exagère peut-être les noms, là, mais... Ouais. Il y en a... À partir du 15 décembre, sans arrêt jusqu'au 1er janvier, la NCAA, j'imagine, s'ils ont ça, c'est parce que c'est payant? Exactement. Tu viens de toucher le point, c'est payant. Il y en a 40 au total, des bowls. Ils ne sont pas tous importants, là. On va se le dire. Là. Des fois même, des finales entre deux équipes qui ont des fiches perdantes. Là. Donc, tu sais, est-ce que c'est des équipes qui méritent vraiment de participer à une finale, à un bowl? Bon, on en repassera. Tu l'as mentionné, il y en a deux gros bowls et deux grosses demi-finales qui auront lieu aujourd'hui. Ça, c'est les deux plus importantes avec la finale du championnat national, le CFP National Championship qui aura lieu le 8 janvier la semaine prochaine. Mais bon, 40 au total, et je reviens à ta première question. Écoute, moi, comme fan de football, c'est sûr que je suis satisfait. Tu l'as dit, il y en a un à peu près à tous les jours pour le temps des fêtes. Mmh. On ouvre notre télévision durant le temps des fêtes, on a un match de football. Et un match de football qui... est une finale, donc, qui a un trophée, qui a un enjeu quand même si les deux formations ont des fiches perdantes. Et la plupart du temps, ça nous donne des matchs extraordinaires, des matchs qui se terminent à haut pointage, qui peuvent aller même en prolongation. Ah. Et dans la NCAA, comme c'est un peu différent de la NFL, bon, et c'est un peu aussi le circuit universitaire au Canada est différent que la Ligue canadienne de football, c'est encore du football scolaire, c'est encore des étudiants. Bien sûr, ils sont la plupart du temps là, déjà signés par des grosses compagnies équipementières ou par des gros commanditaires, mais les gars n'appartiennent pas encore à un club de la NFL ou ne sont pas encore considérés comme des professionnels. Donc, il y a encore un petit peu la notion d'étudiant et de scolaire au travers de ça. Ça nous donne des matchs incroyables. Je pense qu'il y en a peut-être un peu trop. Comme je te dis, moi, les équipes qui ont des fiches perdantes qui participent à une finale, j'ai un petit peu de difficulté avec ça, mais de toucher le point, c'est payant. Là, maintenant, tous les bowls sont rendus commandités, on a des grosses compagnies qui sont derrière ça. Alors, on vend ça, on fait la promotion, et puis les joueurs, même s'ils n'ont pas une grosse saison avec leur université, ben ils peuvent quand même participer à une finale, à un bowl. Alors, écoute, c'est sûr que les fans de football vont adorer, mais particulièrement les deux qu'on a aujourd'hui, c'est à ne pas manquer. Ben, c'est clair. Donc, les matchs à ne pas manquer, c'est à 17h cet après-midi, en fin d'après-midi, l'Université Georgia contre l'Université Oklahoma. Pourquoi, évidemment, c'est 3 contre 2? Parce qu'il faut dire que depuis quelques années, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'il y a un match, je pense que c'est la troisième année. Avant, c'était on classait ça pour comme un peu, c'est selon ESPN ou Associated Press. Je pense qu'on prenait le classement d'Associated Press, hein, et on mettait le classement, on prenait les deux gagnants, on les emmenait en finale nationale. Je pense que c'est la troisième année. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un gros bowl, qui est le Rose Bowl, et je pense que l'autre, c'est le Sugar Bowl, et on fait une demi-finale, et le gagnant va se battre au championnat national. Et en fin d'après-midi, c'est le Rose Bowl, c'est l'un des plus vieux bowls, en fait, et probablement le plus prestigieux et le plus payant pour l'université qui se présente. C'est l'université de la Georgie contre l'université d'Oklahoma. Très intéressant parce que vous allez voir Baker Mayfield, qui est le carrière de l'université de l'Oklahoma, classé, je regarde le classement du repêchage de la NFL, il est classé sixième. Donc c'est un match extrêmement important pour Mayfield également. Ah oui, absolument. Puis, écoute, c'est la quatrième année que c'est la quatrième année cette année. Donc, il y a déjà eu trois années là, où on a eu le format de demi-finale, mais c'est la quatrième année où on a le fameux format des séries éliminatoires. Ouais. Bon, séries éliminatoires, c'est deux demi-finales et les deux gagnants, ils s'affrontent en finale par la suite. On s'entend que c'est pas des grosses séries éliminatoires avec des 4 de 7 et puis des quarts de finale, demi-finale et tout ça. Mais quand même, j'aime mieux la formule depuis 4 ans qu'il y a quelques années où, comme tu l'as si bien dit, la Société Press nous faisait un classement du top 10 des meilleures équipes selon eux lors de la dernière saison de la NCAA Division 1. Et par la suite, ces deux équipes-là s'affrontaient en finale nationale. Là, au moins, on a 4 équipes qui se classent pour les séries éliminatoire et on a droit à deux matchs de série avant la finale nationale. Tu l'as dit, le Rose Bowl qui met en vedette cette année les Sooners d'Oklahoma, les Bulldogs de Georgia, c'est le plus prestigieux, c'est le plus vieux. Il se passe à chaque année dans le Rose Bowl Stadium qui est situé à Pasadena en Californie. Il y a un match de football là durant l'année. Et c'est le Rose Bowl. C'est très prestigieux. Et on a décidé, bien sûr, avec le prestige de ce bowl, de le placer comme une des deux demi-finales. L'autre sera le Sugar Bowl. Mais moi, j'ai l'impression que le meilleur match d'année qu'on aura, ce sera entre Oklahoma et Georgia. J'ai hâte de voir également Clemson qui va affronter Alabama. Ouais. Mais tu l'as dit, Baker Mayfield, qui est le récipiendaire du trophée Heisman cette année, est tout simplement incroyable à regarder jouer. Il a eu des statistiques cette année dignes d'un jeu vidéo. C'est tout simplement extraordinaire. Puis des fois, il faut faire une nuance quand même entre les statistiques qu'on peut voir dans la NCAA et ce que le dit joueur peut refléter dans la NFL ou dans et le Heisman aussi. Le Heisman, c'est loin d'être gage du succès. Là. C'est très loin d'être. Parce que prenez la liste des joueurs du Heisman qui ont gagné le Heisman, vous allez voir que ça n'a pas été des grandes vedettes dans la NFL. Ouais, c'est quasi une malédiction, ce trophée-là. Écoute, si on regarde dans les dernières années, ceux qui l'ont remporté n'ont pas eu des grosses carrières dans la NFL. Non. À première vue, écoute, moi, il y a Charles Woodson, joueur défensif qui a évolué, entre autres, avec les Raiders d'Oakland et les Packers de Green Bay. Ça a été un des seuls joueurs défensifs à remporter le trophée Heisman. Lui, il a eu une belle carrière Peyton dans la Manning NFL. Peyton Manning n'a pas gagné aussi. Qui? Je pense que Peyton Manning, non. Non, je pense qu'avec Tennessee, non, il n'a pas gagné Peyton Manning, je pense. Il était en nomination, par contre. Il était en nomination, je pense que c'est Ryan Leaf qui avait passé en avant lui. Il n'avait pas joué longtemps dans l'NCAA. Mais bon, dernièrement, il y a eu les Jameis Winston qui l'ont gagné, qui est avec les Buccaneers de Tampa Bay présentement, qui, bon, est un bon carrière dans la NFL, mais je pense pas qu'on peut le placer dans l'élite. Marcus Mariota, c'est la même chose. Donc, bref, le trophée Heisman, tu l'as bien dit, Danny, c'est pas un gage de succès, là. Ça te donne pas un billet garanti pour une belle carrière dans la NFL. Mais Baker Mayfield, cette année, méritait de remporter le trophée Heisman. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il pourra donner dans la NFL. J'ai l'impression que c'est pas le meilleur corps arrière de cette QV, même si c'est probablement lui qui sera sélectionné comme premier corps arrière lors du prochain repêchage de la NFL. À mon humble avis, Sam Darnold de USC est un corps arrière à plus grand potentiel, mais bon, je ne veux pas m'écarter, je pense que Baker Mayfield avec ses Sooners vont donner tout un spectacle cet après-midi contre les Bulldogs de Georgia, qui se sont faufilés, Danny, à la grande surprise en série cette année. Oklahoma, on les voyait là, Clemson également, on les voyait là. Bien sûr, les Alabama également, on les voyait là. Même on ne les voyait pas quatrième. Les Georgia se sont un peu faufilés et méritent assurément d'être dans les quatre équipes. Mais j'ai hâte de voir quelles positions pourront donner aux Sooners d'Oklahoma. Parce que si tu n'arrêtes pas Baker Mayfield et s'il peut autant courir avec ses jambes que passer le ballon, ça donne beaucoup de maux de tête à une défensive adverse. Alors j'ai l'impression qu'on aura un bon spectacle et que ce sera probablement un spectacle signé Baker Mayfield cet après-midi. Alabama contre Clemson, tu nous as parlé. Clemson, c'est eux qui avaient gagné l'an passé contre Alabama, qui année après année sont toujours dans les 5-6 premiers du top 10, là, du top 20, même là, ça, le top 25. Ils sont toujours là avec Nick Saban. Depuis que Nick Saban est là, c'est incroyable. Là. Ça aussi, ça devrait être un bon match. Clemson, tu as bien remis, parce que c'est l'école de Deshaun Watson, ça. Bon, c'est très bien remis. Absolument, absolument. Ouais. Tu fais bien de le mentionner. Plusieurs en étaient déjà perdants et déjà enterrés cette année avec la perte de Sean Watson. Mais Debo Sweeney, qui est un excellent entraîneur, qui est la tête dirigeante du programme de Clemson. Puis tu as mentionné Nick Saban, tu fais bien de le mentionner. Mais Debo Sweeney, depuis quelques années, c'est probablement le meilleur entraîneur dans la NCAA. Ce qu'il fait avec les Tigers de Clemson, c'est tout à fait incroyable. Et Clemson, tout comme Alabama, ont plusieurs joueurs qui sont repêchés en première ronde dans la NFL. Lors de ces dernières années, il y a eu Deshaun Watson, il y a également Mike Williams, le receveur de force. Donc, on est réputé pour avoir une très bonne offensive à Clemson depuis quelques années. Mais là, avec la perte de Sean Watson, on se posait, bon, qui pourra le remplacer? Et est-ce que son successeur pourra encore une fois guider Clemson en série et à un autre championnat national? Et là, Kelly Bryant, qui a la carrière actuelle des Tigers de Clemson, fait tout un job, mais il est surtout mené par Debo Sweeney, qui est une tête offensive assez incroyable dans le monde du football présentement. Il a refusé plusieurs opportunités, tout comme Nick Saban, d'aller dans la NFL. Alors, ce sera tout un match de football cet après-midi. Et j'ai l'impression, Danny, qu'on aura même un duel d'entraîneurs, parce que Nick Saban est une tête défensive, Debo Sweeney est une tête d'offensive. Alors, on va vouloir se picosser, on va vouloir sortir des jeux qu'on n'a peut-être pas vus cette saison pour essayer de le mettre dans les dents de l'autre entraîneur. C'est la reprise de la finale nationale de l'année dernière qui nous avait donné un match, écoute, Danny, incroyable. Tout football confondu, je mets la NFL, le Cercle universitaire canadien, la CFL là-dedans, le championnat national de l'année dernière entre les Tigers de Clemson et Alabama, 35-31, la victoire de Clemson, ça a probablement été le meilleur match de football que j'ai vu dans les 5-10 dernières années. Tout s'est produit dans ce match-là, il y a eu des revirements, les deux équipes ont pris l'avance, ils l'ont perdu, c'était incroyable. Alors là, Alabama, cette année, voudra se reprendre, et Alabama, à la grande surprise de tous, ont subi un revers cette année. On n'est pas habitué. Quatrième, c'est pas dans la mentalité d'Alabama. T'sais, ah non, ouais. C'est 1-2 Alabama, rien de moins. Quand on perd un match en saison régulière, c'est un peu l'équivalent du rouge et or de l'université Laval qui perd un match contre Sherbrooke, là. Tu comprends, ça n'a pas lieu d'être. Ils ont quand même perdu cette année le Crimson Tide contre les Tigers d'Auburn, qui sont classés 6e, qui ont passé tout près de faire les séries. Même selon plusieurs, ils méritaient d'être en série avant Alabama. Mais bon, on partira pas le débat. Mais quand même, une défaite pour Alabama Crimson Tide. On n'est pas habitué de voir ça en saison. Et ça nous a peut-être réveillé, Danny. Moi, j'ai l'impression que cette défaite-là, ça pourra les aider à battre Clemson et par la suite remporter le championnat national. On mettait tout le temps Alabama premier et indétrônable. Certains disaient même qu'ils pouvaient battre des clubs de la NFL. Ça, j'en doute. Même les Browns de Cleveland là, pourraient donner une bonne opposition au Crimson Tide d'Alabama. Peut-être qu'Alabama pourrait sortir gagnant. Mais sinon, je pense que les 31 autres clubs de la NFL pourraient battre Alabama. Et j'ai l'impression qu'ils vont prendre leur revanche sur Clemson cet après-midi. Mais Mais quel match on aura? Les Tigers de Clemson ne sont pas battus. Et assurément, Nick Saban et Alabama voudront prendre leur revanche sur les Tigers. Ben, Willie, très, très, très intéressant. On va peut-être se reparler le 8 janvier pour le match du championnat national, si tu permets. Ben absolument, avec un grand plaisir. Et la plupart du temps, comme je t'ai dit l'année dernière, le championnat national, j'adore le Super Bowl pour tout ce que ça apporte. Et je pense que le Super Bowl est un plus grand événement qu'un match sportif en tant que tel. Mais le match de football de championnat national, le BCS Championship, c'est à ne pas manquer. C'est avec un grand plaisir, Danny, qu'on se reprendra la semaine prochaine. Donc, championnat national qui sera présenté le 8 janvier prochain, lundi, le 8 janvier, présenté, je pense, sur RDS2. Willie Boivin, on peut t'écouter à OFM 93 avec Dan Pou. Je ne sais pas si tu étais là dans ta défaite, mais on peut t'en reparler certainement durant les matchs éliminatoires. Ben oui, absolument, avec un grand plaisir. Willie Boivin du FM 93 à Québec.